Avec toi, je veux plus être de passage. Je veux refaire partie de ta vie, du grand voyage. Encore à corps au-dessus des nuages. Même si mon départ en toi fait des ravages. Je veux tout mettre au sol et détruire tous tes barrages. J'éteindrai les mots de tout ce qui rage. Doudou, accepte, prendre de l'âge. Quand je reviendrai, prends-moi la main. Et je resterai toujours à tes côtés. On trouvera tout ce que l'on veut loin d'ici. Je t'aimerai comme on ne t'a jamais aimé. Je te referai croire en nous. Je te rendrai fou. Redeviens mon homme. Pour ça de rien t'as besoin. Je veux me prendre la main. Ce n'est pas facile d'oublier tout le mal que ça m'a fait quand t'es parti. Je me suis habitué sans tes bras. Et maintenant tu me demandes de suivre tes pas. J'ai pris du temps pour t'effacer de mes plans et reprendre goût au présent. Quand notre histoire était possible, tu n'as pas voulu t'engager, donc reste libre. Tu m'as fait comprendre qu'ici rien ne te retient.